Chapitre 9e. Que M. de Mussidan eût sa poche pleine ou vide, il ne s'inquiétait que de sa dépense présente. Jamais il ne prenait souci de celle du lendemain. Qu'il eût ce qu'il fallait pour payer aujourd'hui, cela lui suffisait. Plus tard, comme plus tard, on verrait. Il pouvait arriver tant de choses. Ses chemises, ses bottines et son pâté payés avec les quelques louis de la baronne de Saint-Hubert, il arriva qu'il se trouva sans le sou le 1er janvier. C'était là un incident auquel il était habitué. Mais ce jour-là, il devait faire sortir ses deux fils, les promener, leur offrir à dîner, et la situation devenait embarrassante. Un autre, à sa place, se fût tiré de cette situation en comptant son embarras à sa voisine, et celle-ci eût certainement été heureuse de lui prêter ce qu'il lui fallait. Elle avait des économies, cela ne l'eût pas gêné. Mais il était lui, il n'était pas un autre, il avait sa dignité, sa fierté, qu'il faisait passer avant tout. Il était comte de Mussidan. Le 1er janvier, après un déjeuner matinal avec sa voisine, il la quitta pour se rendre rue du Cherche-Midi. Peut-être rentrera-t-il pour dîner, peut-être ne rentrera-t-il point. Il avait des obligations à remplir et n'était point son maître. Il la priait donc de ne pas l'attendre. Elle eût bien voulu cependant avoir une certitude, de façon à pouvoir rester à dîner à Asnières avec les limoniers, au cas où il ne rentrerait point. Mais elle n'osa pas parler de cela. Elle reviendrait vers 6 heures, après avoir fait une simple visite à ses amis. De Montmartre à la rue du Cherche-Midi, la course est longue. Mais elle n'était pas pour effrayer un bon marcheur comme lui. Justement, le temps était beau. Il faisait une journée d'hiver sèche et claire, et c'était un plaisir de s'en aller par les rues enfin nettoyées, plus propres qu'elles ne l'avaient été depuis longtemps. Sans penser à la légèreté de son porte-monnaie, il s'avançait d'un pas régulier, la tête haute, la poitrine effacée, la canne sur l'épaule, la main gauche sur la hanche droite, rejetant en arrière le pan de son par-dessus, de façon à en bien montrer la doublure. Et devant ce bel homme, à la noble prestance, qui semblait avoir pris possession du trottoir, les nombreux passants qui se hâtaient d'aller remplir leurs obligations lui faisaient place. Ce qu'il trouvait tout naturel et convenable, un homme comme lui. Il n'y avait que pour les femmes qu'il se dérangeait, et il le faisait galamment. C'était une institution modèle que celle de l'abbé Quentin et qui n'admettait qu'un nombre limité d'élèves. Tout le monde n'y était point reçu. Et certainement on y eût refusé les fils du comte de Mussidan, le viveur déchu. Si on les avait acceptés, c'était parce qu'ils étaient les neveux de la pieuse mademoiselle de Puylaurens, personne aussi recommandable par sa naissance que par ses vertus. Bien que M. de Mussidan sentît parfaitement que cet abbé Quentin, qu'il aimait peu d'ailleurs, un cuistre, n'avait pas pour lui l'estime à laquelle il croyait avoir droit, il lui témoignait cependant la plus grande déférence. Jamais il ne venait rue du Cherche-Midi sans commencer par lui faire sa visite, et ce n'eût pas été en un pareil jour qu'il lui manquait ce devoir de politesse. « Et mes fils, monsieur l'abbé, en êtes-vous plus content ?»« Moins encore, monsieur le comte. Voilà qui est pénible pour un père. » Et cependant, la dernière fois que je les ai vus, je leur ai adressé un discours qui devait produire son effet. Si vous l'aviez entendu, vous en auriez été content. Sébastien ne pense qu'à satisfaire ce pommadé. Frédéric a toujours des cartes ou des dés dans ses poches, quelques surveillances qu'on exerce. Tous deux sont aussi cancres l'un que l'autre. Ils ne font rien, rien, rien. Voilà qui est particulier. N'était ma considération et mon respect pour mademoiselle depuis Puylaurens, je les lui rendrais. Mais aussi elle les gâte trop, malgré ce que je lui dis. Ne vient-elle pas encore de leur envoyer pour leurs étrennes 100 francs à chacun? Sébastien va gaspiller son argent en cravate, en gants, en savon. Frédéric va le jouer n'importe comment, quand ce ne serait qu'aux. Il ne faut pas que cela soit, monsieur l'abbé. Moi, leur père, je me charge de l'empêcher. Faites-les appeler, je vous prie. Ils ne tardèrent pas à arriver. C'étaient deux beaux garçons, l'un de 14 ans, l'autre de 13, qui tous deux ressemblaient à leur père d'une façon frappante. « J'en apprends de belles sur vous, » dit M. de Mussidan, après leur avoir tendu la main et en retroussant les larges manches de sa limousine, comme un avocat qui commence son discours. « Vous ne travaillez pas, vous n'apprenez rien, et au lieu de vous préparer à soutenir l'honneur de votre nom, vous ne pensez, toi, Sébastien, qu'à des futilités de toilette, toi, Frédéric, qu'au jeu. Est-ce que Guillaume, depuis Puylaurens, un de vos ancêtres, serait devenu ambassadeur de Raymond VII à la cour de Rome en 1245 s'il n'avait pas acquis un savoir que peu d'hommes de son époque possédaient? Est-ce que Sébastien de Mussidan, évêque d'Albi, aurait été au XIVe siècle une des lumières de la chrétienté s'il ne s'était pas donné entièrement à l'étude ? Les deux enfants chuchotèrent quelques mots que M. de Mussidan n'entendit pas. « Que dites-vous » demanda-t-il. « Allons, répétez-le, je le veux. »« Que je n'ai pas envie de devenir évêque, » dit Sébastien. « J'entends que tous deux vous deveniez des hommes, et c'est de mon devoir d'agir pour que cela soit. Votre tante vous gâte, elle vous perd en vous comblant de cadeaux qui vous distraient. Elle vient de vous envoyer 100 francs pour vos étrennes. Il est mauvais, il est imprudent qu'une aussi grosse somme reste entre vos mains. Vous n'aurez pas d'autre idée que de la dépenser. Remettez-la à moi. » D'un même mouvement, les deux enfants firent 3 pas en arrière. « Je vous la rendrai, louis par louis, comme vous l'aurez mérité par votre bonne conduite et votre travail. Allons, cet argent, je l'exige. » Les enfants hésitèrent, et il passa dans leurs yeux comme un éclair de révolte. Mais, sous les regards de leur père et ceux de l'abbé Quentin, ils finirent par céder et tendre l'un et l'autre, en rechignant le billet de banque qu'ils avaient reçu le matin même et sur lequel ils avaient déjà échafaudé tant de projets. Dans la rue, ils marchèrent devant leur père sans lui dire un mot. « C'est parce que je vous ai pris votre argent que vous êtes de mauvaise humeur, » dit M. de Mussidan au bout d'un certain temps. « Oui. Croyez-vous donc que je veux vous le confisquer ? Je veux qu'il ne vous empêche pas de travailler, voilà tout. Et pour cela, le mieux est de le dépenser, pour votre plaisir. Voilà ce que je vous propose. Nous allons prendre une voiture et nous irons au bois de Boulogne. « Il n'y aura personne au bois aujourd'hui, » dit Sébastien, qui paraissait connaître les usages du monde. « Il y aura les étrangers, les Anglais, les Américains, les Allemands, les Russes, tous ceux qui ne fêtent pas le jour de l'an aujourd'hui, et ils sont nombreux. Après cette journée de promenade, nous irons dîner au café anglais, à la Maison d'Or, chez Vachette, où vous voudrez. »« À la Maison d'Or, » dit Sébastien, « c'est plus chic. »« Voici une voiture, » dit Frédéric. « Un fiacre, ah non !» répondit Sébastien, « es-tu bête ?» Ce fut une affaire de trouver une voiture qui ne fût pas un fiacre. En fiacre, l'héritier de Sébastien de Mussidan, qui fut une des lumières de la chrétienté. Enfin, après une longue attente chez Brion, on en obtint une digne du père et du fils. La promenade au bois fit oublier aux enfants leur mauvaise humeur et leurs regrets. Le dîner, qui fut plantureux et exquis, les égaya tout à fait. « Vous êtes-vous bien amusés ? » dit M. de Mussidan en les ramenant le soir. « Oh oui ? » ?»« Eh bien, je vais vous dire un mot qui est sur la morale de cette journée et que vous ne devrez pas oublier. » C'est que, quand on s'est amusé, on a employé son argent pour le mieux, et alors il ne faut pas le regretter. »